des love, bébé, veut que je donne toute l'attention. Elle me prend la tête, je suis dans le route, je fais des love, bébé, veut que je donne toute l'affection. Faut que je fasse le job, j'suis dans la street avec j'la date. Faut que je fasse le job, j'suis dans la street avec j'la date. Oh, bébé, écoute pas tous les valables. Tu veux d'un homme capable, me voilà. J'serai ton allié, ton soldat. Wow, wow. Elle me chauffe la tête dès le matin. Les appels, elle s'arrête pas. Elle veut que je sois son bébé doudou. Mais j'dois encore faire du somme. Elle me prend la tête, j'suis dans le bout, j'fais des love, bébé, bébé, que je lui donne toute l'attention. Elle me prend la tête, j'suis dans le bout, j'fais des love, bébé, bébé, que je lui donne toute l'affection. Faut que je fasse le job, j'suis dans la street avec j'la date. Faut que je fasse le job, j'suis dans la street avec j'la date. On ira où tu veux quand tu veux. Ma baby, tous tes désirs sont des ordres. Quand j'vois sa beauté, j'en perds tous mes mots. Congolais, elle aime bien quand j'ai la sur la mer à zone. Ma mère a pas les baby love. Elle soigne tous mes plaies quand j'ai beaucoup. J'ai besoin que d'elle, pas d'une autre. Elle me prend la tête, j'suis dans le route, j'fais des love, bébé, bébé, que je lui donne toute l'attention. Elle me prend la tête, j'suis dans le route, j'fais des love, bébé, bébé, que je lui donne toute l'affection. Faut que je fasse le job, j'suis dans la street avec j'la date. Faut que je fasse le